C'est la chronique du hockey mineur de Roberval avec notre ami Hugo Maltais. Salut Hugo! Salut! Bonne année, bon anniversaire également. Bravo! Je te Merci. souhaite une super journée. Puis j'ai entendu dire que vous alliez fêter ça au Saguenay ce soir. Est-ce que c'est question, est-ce qu'on entend déjà des discussions pour l'an prochain pour un match à Roberval? Non, Non, ben tu veux comme on simple n'élabore partisan. rien encore pour l'instant. OK. On va y aller comme simple partisan cette fois-ci. On n'a pas d'arrière-pensée ou OK. de dossier à vouloir travailler pour l'instant. Comme on l'avait déjà dit avec toi, même en onde, on va laisser la chance aux coureurs. Donc, s'il y a des autres organisations, des autres hockey mineurs qui aimeraient organiser ça cette année, ben on va leur laisser l'opportunité de le faire en ce début d'année 2017. Puis, si on voit en cours de route qu'il n'y a personne qui se manifeste puis que la possibilité de le refaire est là, ben oui, on regardera ça, mais pour l'instant, c'est pas dans nos plans là, de redemander là, une partie hors concours des Saguenayens là, en ce début d'année 2017. OK. Est-ce que donc c'est sûr qu'éventuellement, mais qu'on parle à Marc Denis, on va lui demander à quelque part si y a déjà eu des discussions avec des membres du hockey mineur de différents secteurs. Ronde Novée, ça tombe, ça s'en vient à quelque Ouais, je part. pense que c'est une. Oui? Oui. Ouais, la ronde de Visatombe est en début, là, est à la fin janvier. On OK. est à 2 semaines. Donc OK. on est là, aujourd'hui on est le 12, là, on commence mercredi le 25. On est vraiment là dans les derniers préparatifs là, concernant là, notre ronde. Là, on est fin prêt, on est en train là, de placer là, nos bénévoles dans nos plages horaires. Mais sinon, là, je te dirais que 90% là, des dossiers majeurs, c'est-à-dire les responsables aux équipements, les responsables de l'horaire, les responsables là, de la décoration. Tout est pas mal déjà fait et prêt. Donc, on va attendre, on va attendre la visite là, à partir de mercredi le 25. On a 54 équipes qui sont là. Donc, c'est une hausse là d'une hausse d'une je dirais d'une douzaine d'équipes comparativement avec l'an passé. Fait qu'on est super content de tout ça. Puis on va essayer là, de donner un bon tournoi là, aux jeunes qui vont venir à Roberval. Ça t'était dur de recruter? C'est tout. Dans le simple lettre, ça va toujours bien. Ouais. OK, ça, c'est. On se fera pas de cachette, là. Dans le simple lettre, là, que ce soit le Novice A, Novice B, Atoma, Atome B, on a toujours notre lot d'équipes. Puis ça, là-dessus, là. Je te dirais qu'on a toujours nos 40 équipes, là, grosso modo, nos 40 équipes qui viennent. Sauf que là, depuis 3 ans, on n'avait plus d'Atome 2B. OK. Et là, ben, on a fait un pari osé cette année là, pour en avoir, là, c'est-à-dire qu'on absorbe les frais d'inscription des équipes Atome 2B. OK. Donc, pas compliqué, là. J'ai 7 équipes Atome 2B qui viennent cette année puis qui ça va faire en sorte que mon tournoi va bien fonctionner parce que ça lui coûte 0 frais d'inscription. Bon. Des fois, tu sais, pour attirer, je te dis pas que ça va être de même à toutes les années, mais pour attirer à un moment donné du monde, ça m'a fait attirer 2 équipes de la région de Montréal. Ici, ça fait qu'on calcule qu'avec les entrées de ces équipes-là, ben ils vont payer le je vais dire, ils vont payer le 400 $ qui est le 400 $ qui est les frais d'inscription des frais d'inscription. Puis on va arriver probablement le kiff-kiff avec leur entrée versus les coûts de hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, hockey Québec-Mouchard. Ça fait qu'on va l'essayer comme ça, puis on va voir l'année prochaine. Si c'est comme ça qu'on est capable d'attirer du monde, puis que l'an prochain, notre Atome 2B soit encore là, ben ça aurait été une année là, de mise en place de l'Atome 2B. OK. Parle-moi maintenant de simple. Simple lettre, les reprises des calendriers se sont fait la semaine dernière. Donc, dans toutes les ligues, là, les tournois, dans toutes les ligues, la saison régulière a commencé la semaine dernière. Nous, à Roberval, la semaine dernière, ben, on avait nos 2 équipes, une équipe d'Atome B qui était au tournoi provincial de Chicoutimi. Ça a été plus difficile. Ils n'ont pas été capables de se classer là, au niveau des demi-finales. J'ai mon Atoma qui il a très bien performé, mais À trois poules, de six équipes par poule, ben même à deux victoires, une défaite, là, ils n'ont pas réussi à se classer. Il y avait deux victoires, une défaite, puis un différentiel de plus 14, mais ça ne leur a pas permis de se classer. Donc, c'est quand même un bon tournoi pour eux autres. Puis j'ai la tome 2B, qui est au tournoi de Chicoutimi, a remporté des grands honneurs du tournoi dans ce cas-là de Chicoutimi. Puis dans le Piouia, ben avec notre Piouia de Robertval, Mastoyache, on était allé en tournoi à Sainte-Marie-de-Beauce, puis on s'est incliné en finale. Contre Chaudière-Ouest, là, on a perdu 5-1 la finale, mais je pense quand t'es rendu en finale, là, je peux pas dire que t'es un perdant, donc on avait deux gagnants à Sainte-Marie, puis on recommence la semaine prochaine avec le tournoi Pee-Wee Bantam de Saint-Félicien. Donc toutes nos équipes Pee-Wee A, toutes nos équipes Pee-Wee B, Bantam A, Bantam B vont commencer à compétitionner là, au tournoi de Saint-Félicien à partir de lundi prochain, le 16 janvier. OK. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Ouais, ça fait le tour pour cette semaine. OK, donc... les 100 de Robertval, hier, j'ai eu la chronique à Jason, 100 personnes. On est rendu entre 100 et 125 personnes. Pour une ville qui se dit hockey, Jason a dit oui, c'est une ville de hockey, mais il faut gagner, puis on gagne pas. Fait que, es-tu surpris que ça fait quand même 2 ans? Oui, je suis surpris. OK. Maintenant, je vais rejoindre un peu Jason par rapport à... Je vais rejoindre Jason un peu par rapport à son commentaire de ville de gagnante. Je pense que l'an passé, l'engouement du début d'année, ça a été très, très, très bien. Puis l'an passé, ben à la fin de l'année, déjà, là, je pense que les gens sont restés sur leur appétit là, quand ils ont joué contre les Aiglons en série, puis de jouer des parties à 10 joueurs à Robertval, puis 12 joueurs, là, puis perdre des manger des volées de 10 en 1, puis 11 en 1. Puis recommencer le début d'année, ben pas tout à fait. Ça n'a pas été le début d'année espéré. Là, on se le cachera pas à Robertval. Okay. T'as eu aussi un petit peu là, la saga Jérémy Girard là, qui joue pas. Donc là, Jérémy là, qui a été échangé. Puis depuis ça, je dis pas que c'est Jérémy, là, c'est loin de là. Mais depuis que là, en tout cas, les Sables là, ont l'air d'avoir une ligne directrice plus claire. Du moins, s'ils gagnent pas plus souvent, du moins, là, les matchs sont plus serrés. Sauf que, ben, c'est sûr que là, ça a fait un tort aux assistances. Puis il va falloir que Robertval se mette à avoir un club gagnant. Ça, c'est sûr, s'ils veulent avoir du monde. Sinon, ben, regarde, ils seront pas mieux, puis ils seront pas pire qu'ailleurs. Mais tu vas avoir des foules de 100, 125, 150 personnes. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu penses que le poste de Jason pourrait être menacé? Je pense pas. Écoute, okay. Je veux dire, t'es aussi bon que le produit que tu vas avoir sur la glace également là-dedans. Là. Ça, c'est clair que est-ce que c'est des bonnes cohortes? Est-ce que c'est une grosse cohorte? Présentement à Robertval, je ne sais pas si j'ai pas analyse du dossier, là, mais je sais que c'est sûr que May, Pierre, Jean, Jacques, Jason, si on a tous cette équipe-là. Je pense pas que il y ait beaucoup de monde qui pourrait faire mieux vraiment que Jason. Moi, je pense pas que c'est nécessairement au niveau du banc comme au niveau du nombre de joueurs. Tu sais quand l'équipe gagne pas. Oui, ça je suis d'accord, par exemple. Ça, c'est sûr que il n'y a rien qui interdit le bureau de direction du junior de A de dire ben regarde, on va faire un changement d'air, ça prend un changement d'air, puis Jason gagne pas, puis on le met dehors. Ça, c'est sûr que ça peut arriver pour ils le font dans le professionnel. Fait que je veux dire, c'est à quelque part, Jason, ben il est rémunéré aussi. Là. Fait que le bureau de direction paye Jason dans le junior 2A. Fait que c'est sûr qu'il pourrait arriver à un moment donné et dire, ben, regarde, si on ne gagne pas, puis on paye l'entraîneur, puis il n'y a pas de monde dans les estrades, ben on va brosser la cabane. Puis comme tout sport, ben tu n'échanges pas les 20 joueurs qui sont sur la glace. C'est le coach qui paye. Fait que oui, ça pourrait arriver. Mais est-ce que l'équipe serait meilleure? Moi, je pense pas. OK. Ben, Hugo, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. C'est la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo.